sur la deuxième marche du podium pour prendre la médaille d'argent, la protégée de Mylène Farmer, Julia Sexto. Shot de tequila, c'est moi. Ou des vergondages. Pas de répertoire. Pas des doudita. Si Marie-Lune avait le choix, c'est du bout des doigts qu'elle aurait aimé. Maintenant, la grande gagnante de la cerise sur le canto numéro 9, une chanson qui s'adressait essentiellement au départ à Charles Aznavour, bien sûr, Linda Lemay, Surtout vous. Il y a des poètes qui torturent les mots, qui menacent les lettres du bout de leur mégot, des griffonneux des cancres, des fraudeurs de la prose, qui bavent de toute leur encre pour ne pas dire grand-chose, et il y a vous. Oui, il n'y a que vous, ignorant ceux qui trichent, écrivant avec vous, rimant on ne peut plus riche, faisant autant de jaloux que de gens qui vous récitent, qui quand ils vous imitent, ne vous arrivent pas aux genoux. Oui, il n'y a que vous, maîtrisant le crayon et devenant du coup plus grand que l'émotion, plus grand que les pays qui plantent vos refrains au creux de leur jardin, qui embaument l'esprit. Il y a des chanteurs qui souillent des coins de scène quand les semelles qu'ils traînent lancinent en mineur. Ils cachent leurs yeux vides, se tordent et puis se plaignent d'une sourde voix qui saigne, de longs couplets liquides. Et il y a vous, oui, il n'y a que vous, la voix comme un récif, l'esprit au garde à vous, le sourcil expressif. Vous tendez vos yeux pleins aux foules qui se pâment, et vous avez soudain la taille de votre âme. Vous êtes plus grand que vous, vous trônez comme un roi, les mots sont des bijoux qui vous tombent des doigts. Et on les porte en nous, ce qui fait que voilà, quand vous rentrez chez vous, vous ne nous quittez pas. Puis il y a des hommes par millions, qui tristement plafonnent dans leur évolution. Et il y a vous, vous si intemporels, si grands mais si fragiles, penché comme un bon ciel au-dessus de votre famille. Il y a surtout vous, ruisselant sous vos cils, quand vous frôlez la joue de votre petite fille. Il y a surtout vous, lucide comme une sagesse, gagnée par petits bouts, par petites faiblesses, par excès d'une jeunesse que vous avez décrite avec tant de justesse que ça rend nostalgique. Il y a surtout vous, 20 ans et tant de poussière, que vos cheveux, du cou, sont tout de blanc couverts. Il y a surtout vous, qui m'ouvrez votre cœur. Il y a surtout vous. Pour mon plus grand bonheur. Deux mots concernant la page Facebook de la Cerise sur le Canto, bien, pour vous dire que tous les titres de l'émission sont repris et numérotés. Ainsi, vous pouvez établir votre tiercé, le publier, comparer vos résultats avec ceux du jury, et si vous avez le tiercé dans l'ordre ou dans le désordre, pour la première personne qui donnera ce tiercé, il y a un cadeau signé Dario. Passons à la sélection du jour. Marie-Jeanne Gabriel est une chanson écrite et interprétée par Louis Capa. Le single est sorti en 1981. Cette chanson est dédiée à sa mère et à l'île de Saint, d'où elle est originaire. C'est en fait un condensé de l'histoire des femmes de l'île de Saint. Marie-Jeanne Gabriel par le duo Balance. Entre la mer et le ciel, battue par tous les vents, au ras de l'océan, ton pays s'est endormi. Sur de belles légendes illuminant son histoire, gravé dans la mémoire des femmes qui attendent les marins, qu'île de Saint. Raconte-nous l'enfant que tu étais, courant du sable fin aux galères. Parle-nous de ces jeunes gens sautant les feux de la Saint-Jean. On pouvait croire au paradis en ce pays.

L'émission d'aujourd'hui fait un clin d'œil particulier pour les artistes qui ont des problèmes pour danser. Ah ben ça rassure, on n'est pas tout seul. Alors Natou, c'est une vidéaste, humoriste et actrice française. Après avoir servi plusieurs années dans les forces de l'ordre, au commissariat de Draveil et de Vigneux-sur-Seine dans l'Essonne, elle quitte la police pour vivre sa vie d'humoriste. En juin 2018, elle publie une vidéo en partenariat avec la région Île-de-France destinée à faire connaître le pass contraception, vidéo qui a créé une vive polémique. Alors, Natou, on la retrouve chanteuse, mais alors pas danseuse. Elle a deux pieds gauches, elle bouge comme un boulet, je sais pas danser, Natou. Allez, dépêche-toi! C'est bon, t'es bien installée? Ouais. Alors si tu es là, c'est parce que tu as la chance de voir mon nouveau clip en avant-première! Tu m'as fait quitter mon cours de bachata merengue cha-cha pour ça? Oui! Et là, je bouge mon boule! On est débordé hein, dans les commissariats de Draveil et de Vigneux-sur-Seine. Eh oui. Merci. Henry Fraxon, c'est un auteur, compositeur, interprète des années 1900. Il a fait une brillante carrière musicale en France et au Royaume-Uni avec un répertoire allant du comique au romantique. Et l'air de sa plus célèbre chanson est régulièrement employé lors des manifestations de rue. Oh, vous connaissez. Imaginons que le ministre en question contesté s'appelle Machin. Bon. Machin, si tu savais, ta réforme. Machin, si tu savais, ta réforme, où on se la met. Place à la chanson originale interprétée par Claude Chevalier, si tu veux, Marguerite. Si tu veux. Chanson gagnante du concours Eurovision de la chanson en 1961, interprétée par Jean-Claude Pascal, qui représentait le Luxembourg. C'est bizarre, ces chanteurs français qui représentent souvent des pays qui sont des pays sympas, bien sûr. Mais bon, on se demande pourquoi la France ne gagne pas plus souvent et pourquoi les chanteurs qui gagnent sont souvent dans des pays autres que la France. La chanson est une ballade décrivant le point de vue de deux amants vivant un amour que la société n'acceptait pas. Bien entendu, il s'agit d'un double sens. Les amants en question étaient en fait des homosexuels et l'homosexualité était encore réprimée dans de nombreux pays, les pays occidentaux, dans les années 60. Et il se trouve que personne à l'époque ne s'était aperçu de ce double sens, nous les amoureux, Jean-Claude Pascal. Nous, les amoureux, on voudrait nous séparer, on voudrait nous empêcher d'être heureux. Nous, les amoureux, il paraît que c'est l'enfer qui nous guette, ou bien le fer et le feu. C'est vrai, les imbéciles et les méchants nous font du mal, nous jouent des tours. Pourtant rien n'est plus évident que l'amour. Nous les amoureux, nous ne pouvons rien contre eux. Ils sont mille, elle en est deux. pourrait t'aimer sans qu'on en parle en ville. C'est promis, c'est écrit. Nous, les amoureux, le soleil brille pour nous et l'on dort sur les genoux du bon Dieu. Nous, les amoureux, il nous a donné le droit au bonheur et à la joie d'être deux. Alors, les sans-amour, les mal-aimés, il faudra bien nous acquitter. Vous qui n'avez jamais été condamnés, nous les amoureux, nous allons vivre sans vous, car le ciel est avec nous, les amoureux. Portés par la fougue, les mots et les mélodies, les Nancyens Crystal, Vince, Ben et Davy nous convient dans leur pays imaginaire et musical, où le partage est au cœur de toute chose. Et ils ont pris comme nom, ce groupe a pris comme nom, le titre d'une chanson de Renaud, Gueule d'Aminche, Le Lion et la Souris. Je suis un vieux monarque au cœur de la savane. Mes jeunes lions se pavanent, mais c'est bien moi qui mène la traque. Je suis sans peur, un vrai guerrier, le seul roi dans le désert. Mais ma couronne est lourde à porter et mon royaume est solitaire. J'ai la gueule bien amochée et les babines de travers, de cicatrices écouturées, mon grand front si noble et fier. Je suis sans peur, un vrai guerrier, je fais la loi dans le désert, mais ma force n'est plus celle d'hier. Je suis un lion qui sent poussière. Mais quand vient la nuit, dans mon sommeil je rejoins ma souris. Ma petite demoiselle au museau fragile, que dans mes rêves j'emmène au loin sur mon île. Oui, quand vient la nuit, dans mon sommeil je danse avec ma souris. Avec elle je rajeunis, je suis souple et agile. C'est mon ami, c'est mon amour, c'est mon idylle. Je suis une ballerine dans les contes de l'opéra, qui boit sous la discipline la jalousie des petits rats. Je suis gracieuse, j'ai de fines hanches, je n'ai danseuse étoile montante, mais ma passion est dévorante. Je sens que j'ai le corps qui flanche, mes moustaches se mettent à friser, j'ai les poils rêches et je les perds. J'ai peur de devenir la risée de mes consoeurs, de mes confrères. Je suis gracieuse, j'ai de fines hanches, je suis une danseuse étoile tremblante, tout au bord de la crise de nerfs. Je suis une souris qui désespère. Mais quand vient la nuit, dans mon sommeil je le rejoins, il rugit. J'aurais pu finir en trophée, mais je navigue sur l'océan, vendu un cirque itinérant. Prise dans une souricière cachée, j'aurais pu finir empaillée, mais je danse sur piste le dimanche, je suis une souris saltimbanque. Mmh. quand vient la nuit, dans mon sommeil, je rejoins ma souris. Ma petite demoiselle, museau fragile, que dans mes rêves j'emmène au loin sur mon île. Oui, quand vient la nuit, dans mon sommeil, quand on danse, il me sourit. Avec lui, je ne suis plus si fragile. C'est mon ami, c'est mon amour, c'est mon idylle. Au sein de la ménagerie, le destin nous a réunis. C'est tout de suite reconnu. Des larmes dans les yeux très émus. Je n'ai pas vu venir le danger. Mon instinct a pris le dessus. Je l'ai mangé. Il m'a mangé. Tout est cru. La morale de cette histoire, c'est que l'amour est une passoire, que bien naïfs sont les souris, et qu'un lion a de l'appétit. Une chanson créée en 1895 par Aristide Bruand. Et nous vous la proposons aujourd'hui interprétée par Patachou. Tiens, pourquoi ? Pourquoi par Patachou alors que Aristide Bruand la chantait simplement pour un meilleur confort d'écoute. Quant à la tête petite, le soir, elle alla à Sainte-Marguerite ou Casse des Salées. Maintenant qu'elle est grande, elle marche le soir avec ceux de la bande de Richard Lenoir, Nini Potchien, Patachou. Quand elle était petite, le soir, elle allait à Sainte-Marguerite ou Casse des Salées. Maintenant qu'elle est grande, elle marche le soir avec ceux de la bande du Richard Lenoir. À la Bastille, on aime bien Nini Potchien. Elle est si bonne et si gentille qu'on aime bien Nini Potchien. À la Bastille, elle a la peau douce, aux taches de sang, à l'odeur de rousse qui donne le frisson, et dans sa prunelle au ton vert de gris, l'amour étincelle dans ses yeux de souris. À la Bastille, on aime bien Nini Potchien. Elle est si bonne et si gentille qu'on aime bien Nini Potchien. À la Bastille, quand le soleil brille dans ses cheveux roux, génie de la Bastille lui fait les yeux doux. Et quand elle se promène au bout de l'arsenal, tout le quartier s'amène au coin du canal. À la Bastille, on aime bien Nini Potchien. Elle est si bonne et si gentille qu'on aime bien Nini Potchien. À la Bastille. Une reprise de décembre 1963, une chanson qui était numéro 1 aux États-Unis. Alors, une petite histoire. Alors que Claude François cherche de nouvelles chansons, il a absolument besoin de se régénérer. Il fouille dans les tiroirs de son directeur artistique et il y découvre un disque qu'a écarté Jean-Pierre Boutère. Il l'écoute, fou de rage. Et quand on dit fou de rage en ce qui concerne Claude François, c'est vraiment du fou de rage. Donc fou de rage qu'on ne lui ait pas présenté cet enregistrement, il demande à Eddy Marnay d'écrire les paroles en français avec des références à ses débuts dans le show business en 1962. Cette année-là, Claude François. Connaissez pas, oh quelle année cette année-là. rock'n'roll venait d'ouvrir ses ailes. Et dans mon coin, je chantais belle, belle, belle. Et le public aimait ça. Déjà, les Beatles étaient quatre garçons. Marche tout droit. Cette année-là, quel choix d'être l'idole des jeunes pour des fans qui cassaient les fauteuils. Plus j'y pense et moins j'oublie. Adieu à Marilyn au cœur d'or, tandis que West Side battait tous les records. Cette année-là, les guitares tiraient sur les violons. On croyait qu'une révolution arrivait cette année-là. Ours, c'est son nom de scène. Ah ben pourquoi Ours ? Ben, pour l'instant, je ne sais pas. Mais promis, quand on saura, on vous le dira. Alors, Ours, de son vrai nom Charles Souchon, est né en 1978 à Boulogne-Billancourt et c'est le second fils d'Alain Souchon. Alors, après de courtes études de graphisme, il crée plusieurs sites internet, dont celui de son père. Et c'est en 2007 qu'il se lance dans la chanson. Il remporte le prix de l'Union nationale des auteurs-compositeurs. Il est nommé au prix Constantin et se voit décerner le coup de cœur de l'Académie Charles Cros. Depuis, il multiplie les concerts mais ne sait toujours pas danser. Jamais su danser Ours. Serré dans tes épaules, tu n'aimes rien montrer. Là-bas au fond, tu t'isoles. Il y a si de plis que l'on voit entre tes yeux. C'est même très d'ennui, beaucoup trop sérieux. Jamais su danser, t'as jamais su glisser. Très raide, bloqué. tes épaules. Tu n'aimes rien montrer. Là-bas au fond tu t'isoles. Au revoir tout. Au revoir. Jamais su danser. T'as jamais su. Du twist en France et importateur de rock, Richard Anthony était surnommé le père tranquille du rock. Il compte plus de 600 titres enregistrés et plus de 50 millions de disques vendus. À toi de choisir, Richard Anthony. Ce que tu veux devenir, oh oui, quelqu'un dont on parle et qu'on admire, tout à fait d'accord. Ou simplement un petit animal qui ne sait rien et qui se tient très mal. Mais si tu prends la première solution, oui, bien sûr, tu dois apprendre tes leçons. Je ne veux pas apprendre mes leçons. Ma petite sœur bien aimée, savoir les chefs lieux des départements et conjuguer un verbe à tous les temps. Si l'on voyait que tu comptes sur tes doigts comme toi, tous tes copains riraient de toi. Tu parles, ils font tous comme moi. Oh oh oh. Oh oh oh. Oh oh oh. Sur la scène depuis l'âge de 6 ans, cette Lyonnaise au caractère bien trempé fut candidate de l'émission The Voice Kids, saison 3, et c'était donc en 2016. Elle faisait partie de l'équipe de Patrick Fiori et elle n'échoua qu'en finale. Alors, Agathe Bonin, elle sait danser. Son problème, il n'est pas là. Son problème, c'est qu'elle n'a personne avec qui danser. Agathe Bonin. T'as esquivé mes doutes, pardonné mes erreurs. T'sais, j'ai tendance à braquer ce que j'aime par peur. J'commençais à m'y voir, alors je me suis vue ailleurs. J't'ai pas trouvé de faille, maintenant j'te cherche dans les chansons qu'on chantait par cœur. Faut croire que j'avais le temps de changer, mais le temps m'a juste dépassé. Faut croire que j'avais le temps de changer. Je rentre chez moi, la fête est finie, j'ai plus personne avec qui danser. Personne avec qui danser. J'ai plus personne avec qui danser.

pleurez pas, au moins ne riez pas. Se compagnant d'un doigt, ou quelques doigts, le clown se meurt. D'une petite voix, comme il n'en avait jamais eu. Il parle de l'amour et de la joie, et de la joie. Rallumez les lumières, puisque le clown est mort. Rallumez les lumières, puisque le clown est mort. Et vous, applaudissez, admirez son effort. Et vous, applaudissez, admirez son effort. Petit violon et pour quelques spectateurs. Et c'est ainsi que la cerise sur le canto prend fin pour aujourd'hui. Merci à Yves pour la réalisation technique et merci à vous de nous avoir écoutés. La prochaine cerise sur le canto, c'est dans 15 jours. Mais nous serons néanmoins avec vous dimanche prochain pour Patchwork, à l'écoute des musiques du monde. Rendez-vous également sur notre page Facebook, la cerise sur le canto-patchwork. En attendant, soyez heureux en écoutant Radio Fadjet Nancy 94.2 ou sur le net, fadjet.net. Au revoir.